quand je la laisse rouiller dans sa belle boîte cartonnée. Maui dort, Maui dort. Quand Mario et Luigi ne rencontrent plus d'ennemis. Maui dort, Maui dort. Même quand je lui préfère ma déesse Light Écarlate, Maui dort. Elle doit bien faire la gueule à rester toujours toute seule. Là j'ai des remords. C'est rare quand j'y joue, mais voyez-vous, si j'ai un coup de mou, je l'avoue, Maui, je la sors et j'y joue jusqu'à l'aurore. Maui, je la sors et je fais tous les records. Quand ma Wi-Fi n'a plus à supporter le poids de mon corps, Maui dort, Maui dort. Et quand mes Wiimotes ne font plus le moindre effort, Maui dort, Maui dort. L'envie de me faire un jeu de sport comme Wii Sports. Alors je prends ma console rouge, noir, blanche ou en or et c'est le folklore. C'est rare quand j'y joue, mais voyez-vous, si j'ai un coup de mou, je l'avoue, ma oui, je la sors et j'y joue jusqu'à l'aurore. Ma oui, je la sors. Je fais tous les records. Je la range et je comprends que j'ai tort.